Rap éclectique. Rap éclectique. Au fin fond de la Bretagne, les ancêtres ont laissé leur passage derrière, la relique celtique. Leur histoire passe de jour en jour sous un œil de document, nous revivons cet instant présent. On écoute le son de l'accordéon mélangé à la percussion. Souvenez-vous de la relique celtique qui protège les marins des naufrages, des épaves dans les brouillards hivernales. Les jours passent, l'histoire est encore là. Rien ne effacera leur passage dans le monde de la relique celtique. Toute tempête de Bretagne les échappera. Les marins rentreront dans leur famille, chacun avec sa relique celtique. Au fin fond de la Bretagne, les ancêtres laissent leur passage derrière la relique celtique. Leur histoire passe de jour en jour sous un œil de document, nous revivons cet instant présent. On écoute le son de l'accordéon mélangé à la percussion. Souvenez-vous de la relique celtique qui protège les marins des naufrages et des épaves dans les brouillards hivernales. Les marins meurent en mer pour nourrir leur famille. Ils emportent avec eux une relique celtique.